Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Aliénor Robert. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Cette quatrième saison, le podcast est toujours soutenu par la NEF qui est la banque des 2030 Glorieuses. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Donc on est tout à fait dans le thème. C'est un partenariat qui me permet de vous faire rencontrer des personnes toujours plus inspirantes. Aujourd'hui, je suis très heureux de te donner la parole, Aliénor. Tu es dans ton magasin à Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse, ton magasin Green Lunette. On aurait dû parler ensemble, d'ailleurs, ça y est, je dévoile toutes les coulisses de cet enregistrement, mais malheureusement, la météo fait qu'il y a des problèmes de transport et donc on échange à distance. C'est bête parce que finalement on n'est qu'à quelques kilomètres à vol d'oiseau les uns des autres, mais c'est pas grave, nous allons quand même réussir ensemble, malgré les aléas techniques, à parler de lunettes, de quête de perfection, de préjugés plus globalement. Moi j'aimerais bien voir comment tu travailles à faire en sorte d'aligner tes projets professionnels avec tes valeurs personnelles. Mais avant de rentrer dans tout ce détail là, je te pose la même question que je pose à tous mes invités, Aliénor. C'est-à-dire, tu es dans un événement où tu rencontres des inconnus et arrive la question fatidique « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là ? Pour moi, Julien, la réponse est très simple. Elle est plutôt facile parce qu'en définitive, je vais juste te dire « Je suis opticienne. » Je suis opticienne depuis 20 ans et en fait, j'ai la chance depuis 5 ans d'avoir monté mon magasin avec mon associé, et c'est un magasin où du coup on essaie d'intégrer le plus de notions écologiques possible, on essaie de mettre le plus de valeur dans notre métier. Ouais, tu dis que tu es opticienne, mais si jamais par hasard tu venais à citer le nom de ton magasin, Green Lunette, j'imagine que ça suscite des interrogations, parce que finalement là, les velléités, j'allais dire, écologiques sont clairement affichées. Oui. Absolument. Mais c'était vraiment l'envie qu'on avait avec Ami, c'était d'intégrer nos notions, ce qui nous tient à cœur, effectivement, nos notions écologiques dans notre métier, de redonner un peu de ferveur. Pour être honnête avec toi, on a travaillé pendant des années dans des grands magasins pour des grandes chaînes. Et en fait, on a perdu un peu ce sens. Et là, du coup, on l'a redécouvert en fait en montant ce magasin et en sélectionnant plein, en remettant un peu la matrice à zéro, quoi. Et moi, tu vois, si c'était une personne un peu justement comme moi et qu'on me parlait de quelque chose qui commence par green, j'aurais tout de suite tendance à me dire « Oh là là là là, ça sent l'arnaque ». En général, quand on a besoin de mettre l'enseigne en vert, le mot vert ou encore pire, même green dans le nom, c'est qu'il y a un loup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le nom Green Lunette nous est venu de manière assez ludique et on s'est dit « Non, on ne peut pas appeler notre magasin comme ça, c'est vraiment… » Très bizarre, parce que la prononciation me paraissait assez folle. Et en fait, à force d'en rigoler, ben, en définitive, on se l'est approprié. Le côté green, c'est drôle parce qu'on l'a fait beaucoup évoluer un petit peu dans le temps. Quand on a ouvert le magasin, on s'est laissé la possibilité en fait, de vraiment se remettre en question au fur et à mesure. Par exemple, quand on a ouvert le magasin, on avait vraiment mis l'accent sur la fabrication française. On s'est rendu compte que des fois, on pouvait avoir une fabrication européenne ou on peut avoir une fabrication française qui n'est pas si française que ça. Et en fait, le côté green, le côté écolo, c'est ce qu'on dit à nos clients, on est un peu lâche, on ne le tranche pas nous, on donne de la transparence en fait, aux produits qu'on propose. à savoir qu'on a des produits qui peuvent venir de plein d'endroits du monde entier, mais en fait, on va mettre un petit autocollant, on va raconter l'histoire de chaque produit, et finalement, nos clients qui rentrent, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qui est écologique pour eux ou pas. On va revenir un peu plus justement sur cette notion d'écologie dans les lunettes, parce que moi je t'avoue que étant non porteur de lunettes, c'était assez fumeux pour moi cette histoire. J'avais un peu du mal à voir jusqu'à quel point on pouvait aller loin sur cette thématique, et en même temps je savais qu'avec vous j'étais entre de bonnes mains puisque vous m'avez été présenté par Carole, et je vais mal présenter, je vais mal prononcer son nom d'avance, je m'en excuse, il me semble que c'est Carole Riel, et elle a cofondé Optique for Good, dont vous faites partie. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit « Ah, mais tu devrais absolument aller les voir. » Elles font un super boulot, très engagé à Lyon. Et donc, moi, j'aimerais bien voir jusqu'à quel point on peut pousser la notion d'engagement. Mais avant ça, j'aime bien aussi expliquer pourquoi c'est important de pousser la démarche, notamment écologique, sur... n'importe quelle thématique, et là en l'occurrence la thématique de l'optique, tu le disais, tu as commencé à bosser dans des grandes chaînes, des grands magasins, des marques peut-être plus connues. Moi j'ai vu quand même que le sujet de la lunette, c'est pas anodin. Les chiffres que j'ai trouvés, dis-moi si tu les as plus à jour que les miens ou si tu en as d'autres, c'est qu'il y a 7 Français sur 10 qui portent de lunettes, 3 adultes sur 4 qui les renouvellent tous les 3 ans, et un autre chiffre qui moi m'a peut-être... C'est celui qui m'a le plus marqué, qui disait qu'ils vendaient plus de 2000 paires de lunettes chaque heure en France. C'est vraiment en fait un marché qui est colossal. Et c'est vrai, des petits objets de quelques dizaines de grammes, mais en fait, quand on le multiplie par le nombre de lunettes, on se rend compte de l'impact en fait. Oui, ouais, et puis en plus, y a l'objet, il y a la démarche. Effectivement, quand les gens viennent en magasin, en fait, quand ils choisissent, il y a la monture, il y a les verres, mais en fait, on essaie vraiment de redonner du sens. Et on a plein de marques différentes avec plein de petits producteurs qui sont attentifs à tel détail. Et en fait, c'est un objet courant, mais c'est un objet qu'on peut rendre, voilà, à qui on peut redonner vraiment le plus de sens possible. On va pas, ça reste pas un objet écologique au sens, voilà, les verres, effectivement, on fait pas de miracle, mais on a essayé effectivement de faire les choses les plus soft possibles pour que effectivement ce soit un bel objet qu'on soit fier de porter. Et ce matin, tu vois, en écoutant la radio, je voyais aussi à quel point, malheureusement, où cet objet, comme en fait tous les objets de notre quotidien, il a vraiment réussi à être happé par le capitalisme et par la notion de mode, puisque une publicité d'une marque de lunettes là qui m'échappe tournait autour du fait que la personne qui intervenait à la radio était déçue parce que finalement elle venait de choisir un modèle mais qui n'allait pas avec la couleur de sa robe, et du coup elle se posait la question de savoir si elle allait pas devoir finalement en acheter un autre, et l'opticien lui disait mais pas de panique, grâce à la super offre 3 lunettes pour je sais pas quoi, vous allez pouvoir avoir les lunettes de toutes les couleurs que vous souhaitez pour avoir les couleurs qui vont exactement matcher avec votre tenue. Et donc du coup c'est là où on se dit mais ça se trouve en fait, et moi c'est quelque chose qui, je l'avoue, était complètement encore une fois inconnu pour moi, mais là je me suis dit mais en fait ça se trouve les gens, ils ont même plusieurs lunettes qu'ils assortissent avec leur tenue, et donc en fait c'est devenu vraiment un accessoire de mode en fait. En fait, pour avoir travaillé dans des grandes enseignes où effectivement il y a plusieurs paires qui sont proposées, ce qui est assez ironique, c'est qu'en définitive, les gens ils portent leur première paire, mais les deuxièmes paires, elles sont très peu utilisées, elles finissent dans un tiroir. Et quand on a monté le magasin avec Camille, on s'est vraiment interrogé en se disant ok, deuxième paire, pas deuxième paire. Alors, il y a la notion de solaire qui est importante parce que les gens en ont besoin. Mais en fait, on s'est dit qu'on ne voulait pas non plus faire cette proposition comme si c'était une évidence. Et on voulait, en fait, on propose beaucoup, par exemple, à nos clients de réutiliser leur ancienne paire pour la transformer en solaire. On leur donne une seconde vie. Enfin, on a vraiment essayé de pas la rendre normale, de dire ok, si on fait une deuxième paire, c'est qu'elle me coûte. Je ne la range pas dans un tiroir. Elle a du sens à nouveau, quoi. Ouais, pour redonner de la valeur, on va rentrer encore une fois. Hein, tu commences à toucher plein d'idées, plein de concepts qui m'intéressent et que j'ai envie de creuser. Mais j'aimerais quand même rester un tout petit moment là, justement, sur l'appétence des clients pour ces sujets. Tu disais que ça fait 20 ans maintenant que tu travailles dans ce monde-là. Est-ce que tu as vu les envies, les questions, les intérêts et du coup les achats des clientes et des clients en matière de lunettes changer au gré de l'urgence écologique, au gré de la question de notamment du climat, de la pollution plastique qu'on voit, j'ai l'impression, de plus en plus monter dans les médias, dans les discours, dans les conversations. Bah, j'aimerais bien te dire oui, mais en fait, avant de monter le magasin en travaillant dans des grandes enseignes, la réponse est clairement non. Okay. Finalement, c'est quelque chose de très personnel. C'est aussi un rapport esthétique avec soi-même et le rapport évidemment à la vision, donc qui est très perso. En ouvrant le magasin, forcément, on attire une clientèle qui a déjà un regard un peu différent et qui va forcément avoir une orientation et qui va se poser des questions sur cet achat. Donc nous, depuis 5 ans, on attire cette clientèle. Donc forcément, on vient déjà avec des gens qui ont cette réflexion. C'est assez drôle parce que le magasin est aussi un laboratoire, parce qu'on a aussi des clients qui arrivent ici plus ou moins par hasard. Et c'est intéressant de voir un peu la ferveur de chacun. On touche à tellement de choses avec les lunettes, c'est compliqué parce que il y a la vision, il y a le plaisir de l'objet où faut se voir beau aussi, faut que ce soit solide. Il y a le budget aussi. Il y a vraiment énormément d'enjeux sur cet outil-là. Et c'est génial parce que nous, on reçoit des gens qui ont vraiment cette envie d'avoir un petit plus, en fait. Bah, allons-y, justement. Parlons de gros plus, même, carrément. Et dis-moi, alors, pourquoi au début, l'évidence, c'était la lunette Made in France? Et puis, en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout le temps le plus écolo. Et puis raconte-moi un peu l'étendue des possibles et des différents engagements qui existent en 2023 pour les personnes qui, là, auraient vraiment besoin et qui nous écoutent d'une nouvelle paire de lunettes. Ah. En fait, le marché de l'optique, il est orchestré par des gros groupes, c'est pas très mystérieux. Au-delà de l'objet des grandes griffes, c'est quand même ce qui se vend le plus aujourd'hui. On va être très pragmatique. Évidemment, c'est plutôt fait l'autre bout du monde, ça va de soi. Mais on se rend compte qu'on a un vrai savoir-faire en France, on a des vrais fabricants. Historiquement, on avait gardé la fabrication de l'acétate et on a des très belles maisons. Il y a des maisons, là, on a commandé des lunettes, c'est une maison qui est là depuis 180 ans. Donc c'est assez fou de se dire qu'à un moment donné, on a perdu un peu ce savoir-faire et qu'on le redécouvre. Sur tous les matériaux qui peuvent être utilisés, il y a plein de choses. Enfin, les gens sont hyper inventifs. C'est assez fabuleux parce qu'on a autant des lunettes qui sont faites en coquillage. Il y a des filets de pêche, il y a du skate, il y a plein de choses qui font que maintenant on peut avoir des matériaux qui sont drôles, qui sont hyper techniques et qui font du bien à la planète. Alors on a souvent tendance à dire que ça va porter une lunette écologique, ça va pas sauver le monde, mais déjà le choix de la monture est important. Le choix pour nous du verrier est important aussi. Alors là il fallait forcément avoir un verrier avec une fabrication française et une éthique. Et puis il y a le fait que nous on travaille la monture en magasin parce que les verres on va les tailler en magasin. C'est très consommateur d'eau en fait, le fait de tailler un verre. Et quand on a monté le magasin, il semblait évident qu'on investit dans un bac qui nous permet de recycler l'eau. Et en fait, ça permet de faire une économie assez formidable. Je crois que le chiffrage c'est 10 litres d'eau par verre taillé. Donc si c'est de l'eau effectivement qui est saluée par cette taille et qui est reversée directement dans les égouts, c'est toujours un peu moche. Donc on a un système effectivement où on va recycler et on va récupérer la matière sèche. C'est plein de petits détails aussi sur la fabrication du magasin en elle-même, où on a vraiment essayé de réfléchir à avoir un univers qui soit pas, on n'a pas un magasin qui ait cette ambiance un peu hôpital, on voulait un peu dédramatiser les choses, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, on dit on fait des lunettes, on ne sauve pas des gens, donc on veut vraiment rendre l'objet, que les gens se l'approprient et le travailler le plus proprement possible dans la mesure de ce qui est possible dans notre métier. Et donc, tu disais en introduction que parfois le Made in France n'était pas si Made in France que ça. Il y a un flou qui est savamment organisé autour de ces enjeux-là. C'est une partie qui a été un peu compliquée pour nous et on s'est planté sur plein de choses. Et en fait, le Made in France, l'origine France garantie, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a des sociétés qui, pour nous, et c'était une évidence, enfin, dans notre connaissance de l'optique, c'était des sociétés françaises. Et en fait, forcément, c'est une plus-value apportée sur le territoire. Donc en fait, on peut avoir un vrai produit. On fait vraiment la distinction aujourd'hui, nous, entre un vrai créateur qui fabrique de A à Z sa lunette et un fabricant qui va peut-être effectivement aller shooter une branche ou aller simplement mettre un manchon, mettre une plaquette en France et aller payer un label, parce que les labels sont payants. Donc ça fait une vraie différence, il y a une vraie rupture. Et maintenant, on est un peu plus fin justement dans la sélection des fournisseurs. Et c'est vrai que c'est un peu vertigineux parce qu'on parle de la lunette, mais finalement, on pourrait parler de tout ce qu'on consomme au quotidien et ça peut aller assez loin. Et en fait, le côté greenwashing, il est là aussi parce que finalement, on peut avoir l'impression d'avoir un super produit, mais finalement, on se fait un peu avoir parce qu'on met un peu d'argent, un peu plus en se disant c'est une belle fabrication française. Et ça n'est pas tant que ça. Ouais, moi, ça me fait penser à mon positionnement sur les vêtements. C'est vrai qu'au début, je me disais, bah oui, il faut absolument privilégier le Made in France. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, le Made in France, bah, il n'était pas toujours soit le plus Made in France, soit le plus solide aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup, en fait, plutôt d'acheter des vêtements qu'on ne changerait pas tous les ans ou tous les deux ans? Je pense que c'est un peu aussi la même idée en termes de lunettes. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, souvent, même si les vêtements, et là, en l'occurrence, les lunettes seraient produits, tu le disais, avec du plastique recyclé, des filets de pêche, du plastique biosourcé ou du bois aggloméré, des planches de skateboard, effectivement je vois bien cette marque que j'ai vu passer ou de bois fait made in France, etc. Je me dis finalement la lunette la plus écolo c'est celle qu'on produit pas, donc raconte-moi un peu comment vous mettez en avant soit des marques qui elles sont clairement positionnées sur le seconde main. Où, et là, tu as commencé à en parler rapidement tout à l'heure, vous arrivez à faire en sorte que les gens, ils redonnent une seconde vie à leurs propres lunettes en les passant au solaire, par exemple. Ouais. En fait, on a une réglementation en optique qui est assez importante et on doit garantir notre lunette pendant 2 ans quand on vend une lunette. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi avoir un fournisseur qui a du répondant, qui a des pièces détachées. Donc, quand le client récupère sa monture et qu'il la réutilise, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est remboursé tous les 2 ans au niveau des montures. Il faut que sa lunette, elle dure 4 ans. Et là, l'enjeu de la qualité est hyper important. Pour ça que sur la seconde paire, c'est un peu moins engageant parce que du coup, il va faire sa solaire ou autre. C'est assez drôle parce que des fois, on a des gens qui viennent un peu gêner en magasin et qui nous disent « Mais est-ce que je peux réutiliser ma monture ?» Et c'est tellement pas dans les habitudes qu'on leur dit « Bah, bien sûr, on est hyper content. » Il y a des gens qui ont acheté une monture il y a 4 ans, elle est géniale, elle n'a pas bougé, ils l'aiment encore toujours autant. Bien sûr, on va la réutiliser et on va changer les verres dessus. Mais c'est des habitudes qui se prennent petit à petit. Après, il ne faut pas nier le fait que ce soit quelque chose qu'on porte tous les jours pendant plusieurs années. Donc, il peut y avoir un petit phénomène de lassitude. Mais quand on les transforme en solaire, par exemple, on leur donne vraiment une seconde vie autrement. On essaie aussi de les remettre un petit peu en état, mais à notre niveau, parce qu'on n'est pas non plus des fabricants. Donc, on leur donne un petit coup de frais, un petit coup de polissage. Mais c'est une notion qui est en train de monter et c'est intéressant parce que on est aussi réglementé, tu sais, sur le remboursement selon les trébuchants de la monture qui est un montant qui a baissé au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, les gens sont remboursés 100 €. Et en fait, cette propension à avoir un remboursement moindre, on aurait pu penser que les gens allaient forcément s'orienter sur des équipements de moindre coût. Et en fait, peut-être ça a presque un effet positif dans le sens où les gens se responsabilisent en disant « Ok, je rajoute 100-200 € sur ma monture, je sais pourquoi je le fais, j'ai cette monture qui est géniale avec ce fabricant qui est extraordinaire et je sais que cette monture, je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. » Ouais, on redonne une valeur à ce qu'il y en a vraiment. Toi, tout à l'heure, tu disais, bah voilà, je suis opticienne, en fait, comme s'il n'y avait pas de sujet. J'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué que ça. Et donc, du coup, on parlait du label tout à l'heure, Optique for Good. Est-ce que finalement, bah, t'es opticienne for Good? Est-ce que tu dirais que t'assumes le fait de dire que t'es opticienne engagée, que t'es opticienne écolo, que t'es opticienne éveilleuse de conscience? Comment tu le nommerais quand même? Ah oui. On l'a clairement affiché sur le magasin il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, effectivement, et on a affiché le terme opticien écolo. Et c'est génial parce que ça interroge. Il y a toujours ce côté un peu greenwashing où on essaie un petit peu d'expliquer. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'on est forcément obligé de. Quand les gens qui rentrent, ils nous questionnent et on a plein de choses à raconter. Donc, en fait. L'histoire elle est plutôt belle et on peut faire les choses de manière positive, donc finalement c'est presque un jeu et c'est chouette d'avoir des gens un peu sceptiques qui arrivent parce qu'on leur explique un peu comment ça se passe et finalement ils se posent des questions sur leurs lunettes qui ne se sont jamais posées avant. Si je devais poser la question, pas qui fâche, mais la question de vos angles morts, est-ce qu'il y a là encore, en 2023, malgré le fait que la boutique, elle est quand même quelques années, des sujets où vous savez que vous devez encore vous améliorer, que vous devez encore bosser, ça serait lesquels ? Il y en a pas mal parce que, en définitive, je te disais qu'on a un système de recyclage au niveau, quand on taille les verres, on récupère de la matière sèche. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé en déchetterie ou autre comment faire le recyclage. On a maintenant, tu sais, sur les lunettes, quand on les vend en magasin, il y a un calibre de présentation. On essaie de recycler ces calibres avec avec l'association Recycle Optique. Qui nous permettent de donner de seconde vie. C'est assez ironique, mais effectivement, cette association, on doit payer pour adhérer et on essaie d'expliquer aux gens que recycler des produits, même quand ils nous donnent leurs vieilles lunettes, ben, en fait, ça a un coût. Et en fait, du coup, il y a toute cette démarche où on croit que quand on donne ces vieilles lunettes, voilà, tout est bien et elles finissent avec quelqu'un qui est très content de les avoir. C'est complexe que ça. Et en fait, cette partie-là de recyclage ou de présentation des verres, effectivement, c'est un angle effectivement qu'il va falloir continuer à travailler. C'est en très bonne voie. Carole d'Optique for Good fait un travail formidable. Il faut vraiment la saluer là-dessus parce qu'elle elle n'a jamais le morceau et voilà, elle a des très très très bons projets qui vont émerger d'ici peu par rapport à ces calibres qui sont un objet dont on pourrait se passer parce que j'ai aussi des fournisseurs maintenant de bois notamment qui mettent plus forcément le calibre de présentation qui présente la marque. Mais ça évolue vraiment petit à petit. Donc la matière sèche de la fabrication, c'est aussi autre chose. Après, sur la fabrication des verres, on est quand même sur un domaine paramédical. Donc Bien sûr. on ne peut pas pallier au fait que le client doit absolument bien voir. Après, dans la fabrication même des matériaux, on n'est pas dans la fabrication des verres, mais évidemment, il y a des choses qui peuvent évoluer aussi là-dessus. Je me posais la question des emballages aussi qu'il y a derrière. On voit, bah, c'est vrai, toujours directement les lunettes qui sont posées sur les étagères et on n'imagine pas bah, tous les emballages que ça représente parce que c'est quand même des objets fragiles. Est-ce que, en fait, c'est des montagnes et des montagnes d'emballages? Finalement, est-ce qu'on a déjà réussi à bien bosser là-dessus? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être faites? Non, il y a encore des choses à faire. Notamment, tu vois, on reçoit les verres le matin et en fait, chaque paire de verres est emballée dans une petite pochette individuelle. Et en fait, on pourrait très bien avoir un packaging global, genre une petite valisette qu'on mettrait effectivement et qu'on ferait tourner avec le transporteur. Après, les verres sont, en dehors de cet emballage plastique, finalement, sont pas spécialement emballés. Les montures, c'est assez drôle parce que, justement, nous, on voit le back-office quand on reçoit les montures des fournisseurs et on a plein de fournisseurs, évidemment, qui vont travailler du plastique végétal, du métal recyclé ou autre. Et en fait, on peut avoir des pochettes, par exemple, en amidon pour protéger les lunettes ou l'emballage carton où ça va aller sur le scotch recyclé. Enfin, tous les petits détails, nous, on le voit, sur ces fournisseurs. Et c'est bien parce que justement, les emballages même que les clients ne vont pas voir, mais que nous on voit, ils évoluent dans le bon sens. Ouais, c'est chouette, effectivement. C'est un back-office qu'on n'a pas en tête et qui est important aussi. Et donc, je pense que vous, ça vous donne encore plus envie de défendre une marque plutôt qu'une autre. Ben complètement. C'est ce qui est assez formidable. Et il y a plein de marques différentes qui vont, voilà, pour eux, la notion écologique, elle va se passer différentes façons en fonction de la matière. Mais je trouve on trouve que depuis 5 ans, forcément, ça a bien changé. Mais c'est vraiment exponentiel parce qu'on avait au départ quelques marques qui étaient un peu attentives. Il y a quand même un mouvement qui est très positif là-dessus. Aliénor, on va partir en 2030 glorieuse et là, ça sera un mouvement encore plus positif, confirmé hein, dans le sujet de l'optique. Avant ça, on va marquer une petite pause et toi, tu viens comme tous les autres invités nous faire un cadeau avec une parenthèse d'une lecture que tu vas nous faire qui, dans un roman, dans une histoire, porterait des valeurs que tu as envie de voir largement se déployer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Eh bien, c'est ce que je te disais effectivement, que j'avais eu beaucoup de mal à trouver des choses très positives et que finalement, je me laissais un peu entraîner par les chants des sirènes de se dire, oh là là, ça va être compliqué. Et je suis allée piocher dans la bibliothèque de mes enfants. Parce que je trouve que dans les livres pour enfants, on a tendance à vulgariser les choses et à les rendre plus accessibles, et que c'est peut-être ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc j'ai choisi un livre, je te vais lire un petit extrait du Lézard de Pemtem. Thank you. n'était jamais satisfaite. Chose étrange, plus elle était couverte de cadeaux, plus elle en voulait. À peine prenait-elle le temps de découvrir celui qu'elle avait reçu, déjà elle attendait le suivant. Ongma était à la tête de biens considérables. Un cheval de bois décoré de plaques de cuivre ouvragé, des boucles d'oreilles de corail rouge venant d'une mer lointaine, un bracelet d'ambre qui fait d'une pièce qui valut le prix d'une maison du village, et bien d'autres trésors encore. Mais rien n'y faisait, elle ne se sentait pas en paix. Le plus surprenant pour Ongma était que Pempem souriait sans cesse, alors qu'elle n'avait rien. Comment pouvait-on être heureux ainsi? Elle décida de lui rendre visite. Elle trouva Pempem assise sur le seuil de sa maison, si petite et inconfortable qu'on y vivait seulement lorsque le temps l'obligeait, à l'occasion de grosses chutes de neige ou quand le vent soufflait à faire tomber un homme. La fille du gardien de Yacht tissait. « Bonjour Pempem, dit Ongma. » Elle se sentait un peu idiote car tout à coup elle se voyait plus demander « Pourquoi es-tu contente et pas moi ?»« Bonjour Ongma, répondit Pempem sans cesser de tisser. Le soleil est chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est agréable. » Elle souriait et Ongma fut saisie de jalousie. « Connais-tu mon dernier jouet? C'est un serpent articulé avec une langue de vrai velours, » s'écria la fille des marchands. Ongma espérait provoquer l'envie chez Pempem, mais celle-ci sourit plus encore. « Il doit être très beau, tu pourras me le montrer si tu veux. »« Il est à moi, » dit Ongma. Les deux filles se turent. Devant elles, sur un pic, le vent d'altitude soulevait un étendard de neige. « Quel est le secret de ta joie ?» allait s'enquérir Ongma, quand un lézard grimpa sur le muret de pierre sèche, près du métier à tisser de Pempem. La fille du gardien de Yak fit un immense sourire. Comme Pempem regardait le lézard avec une profonde application, Ongma fit de même. Elle n'avait jusqu'alors jamais prêté attention à ces petites bêtes. Ainsi, elle découvrit que le dos de l'animal était constellé de minuscules taches jaunes vives et bleutées qui dessinaient une mosaïque magnifique. La fragile cage thoracique se soulevait au rythme de rapide de la respiration. On aurait dit, oui, Ongma le ressentit ainsi, on aurait dit un bijou vivant. C'était donc ça. Pempem souriait parce qu'elle possédait le joli lézard et qui sait d'autres choses dissimulées. « Donne-le-moi, dit Ongma, donne-le-moi, je te paierai. » Pempem tourna vers elle un visage étonné. « Je ne peux te donner ce qui ne m'appartient pas, ce lézard est libre. » Ongma se mit en colère. « Tu mens, il est à toi, c'est pour ça que tu es heureuse, c'est pour ça que tu souris à longueur de jour, tu caches tes trésors. » Pempem lâcha son métier à tisser pour faire face à Ongma. « Regarde le lézard, regarde-le bien. » La fille des riches marchands posa les yeux une seconde sur le précieux animal puis déclara « Je t'en donnerai 3 pièces d'argent. » Pempem fit un geste de la main comme pour chasser un insecte. « Vois le lézard, Ongma. » Il y avait un je ne sais quoi dans la voix de Pempem qui fit oublier Ongma. Et elle contempla le lézard, elle le contempla tout à fait. Alors petit à petit, il se passa une chose curieuse. Elle sentit qu'un peu du lézard entrait en elle et qu'un peu d'elle-même entrait dans le lézard. La voix dans sa tête qui lui criait toujours « Moi, moi, moi, je veux » finit par se taire. Ses pensées, perpétuellement agitées sous son crâne, se calmèrent. Plus de rage, plus d'empressement, plus d'avidité. Pour la première fois depuis très longtemps, un sourire paisible montant aux lèvres d'Ongma. Merci Aliénor pour cette lecture. Effectivement, on échangeait en général quand on prépare les épisodes. Il y a souvent cette conversation qui vient sur la lecture parce que on constate à quel point, et c'est pour ça que j'insiste particulièrement pour cette partie-là du podcast, à quel point il y a très peu de perspectives enthousiasmantes dans nos lectures. Et c'est vrai qu'on se disait que, et moi le premier maintenant, quand je rentre dans une librairie, je vais d'abord au rayon pour enfants parce que je trouve que les livres ont une utopie plus assumée, des messages plus puissants, et puis en plus en général ils sont plus beaux, donc au moins comme ça, ça c'est une raison supplémentaire d'être heureux d'avoir des enfants. Ouais, c'est vrai. Non, ça fait ça permet effectivement aussi de comment dire, d'illustrer les propos qu'on a dans la tête qui peuvent être un peu fouillis effectivement, et des fois ça permet effectivement de renouer un peu avec ses valeurs aussi. On est bien d'accord. Et ça y est, d'ailleurs, en parlant de renouer avec nos valeurs, on a définitivement renoué avec nos valeurs. On est en 2030 glorieuse. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, Aliénor, mais on sent qu'on a effectivement réussi à mettre en place d'autres indices, indicateurs, maîtres pour mesurer les succès dans nos vies. Et on vise désormais d'autres objectifs, tout et tous ensemble. On a encore beaucoup de pain sur la planche, ça c'est sûr, mais on va dans le bon sens. On a réussi à se mettre à la hauteur des enjeux. Ça fait du bien. bien. On est, nous, Aliénor, en 2030 glorieuse, donc on parle au présent de ces 2030 glorieuses, depuis ces 2030 glorieuses, parce que les personnes qui nous écoutent, elles, sont dramatiquement restées en 2023, à une époque où c'est vrai qu'on avait l'impression que chaque jour allait être encore pire que la veille, et on va avoir besoin de leur dépeindre des 2030 glorieuses les plus précises, les plus complexes, colorées, texturées possibles, pour qu'on les emmène un peu avec nous, les gens qui nous écoutent. La première question que j'ai pour toi, Aliénor, c'est toi là, si tu regardes à travers la devanture de ta boutique, qu'est-ce que tu vois en 2030 glorieuse ? Eh ben, sur notre magasin, en fait, on a simplement marqué opticien parce que, en définitive, notre démarche écologique, elle est largement répandue. Et les gens renouent un peu avec cet achat et se le réapproprient. On a plus de magasins de quartier. Les gens, en fait, reprennent conscience de la personne qui va s'occuper d'eux, de leur achat, de qui la fabrique. Et du fait que cet objet qu'ils utilisent tous les jours, bah, maintenant, ils sont fiers de le porter, ils savent d'où il vient, et ils savent comment il a été fait, et nous, en fait, bah, on est complètement asbine. Et c'est génial, parce que du coup, il n'y a plus besoin de claironner le fait qu'on puisse être... qu'on puisse être plus conscient de ce qu'on achète, parce que tout le monde fait comme ça. Et à la fois, vous êtes complètement has-been, tu dis, et en même temps, vous voyez que vous aviez des angles morts encore à régler en 2023, parce que désormais, Green Lunette a adhéré à la monnaie locale du coin. Vous êtes quand même des fers de lance du label Optique for Good, avec des rencontres organisées pour toujours... porter plus loin les valeurs écologiques du milieu de l'optique et des rencontres et des débats et du plaidoyer. Vous êtes pas si has-been que ça, vous êtes pas si maintenant endormi sur vos lauriers, j'ai l'impression. Non, ben, c'est ce qui est bien en fait dans le fait d'avoir créé ce magasin, c'est que c'est énormément de rencontres et même dans les fournisseurs qui eux sont aussi en train de changer, où il y a une vraie belle énergie effectivement et ça sélectionne un peu et ça se ressent parce que du coup il y a effectivement les labels qui nous permettent de nous rassurer. C'est génial quand tu fais même les labels de la ville de Lyon par exemple et tu rencontres des gens dans des milieux, des professions complètement, il y a plein de professions différentes et qui ont des engagements. Et en fait, on rencontre de plus en plus de gens qui ont ces valeurs et ça rassure parce qu'on se dit qu'on a fait ce pari, parce que ça reste un pari, et que c'était pas, on n'avait pas, nous, l'idée au départ de monter un magasin parce qu'on voulait monter un magasin, c'est juste parce qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose à notre image si on voulait continuer ce métier. Et c'est, pour l'instant, c'est un pari gagné. 2030, écoute, j'espère que le pari sera encore là. Le pari est encore là. On a quand même eu des revirements à faire, et vous notamment dans votre milieu, parce que les gens en 2030 glorieuse, ils achètent moins, donc on a moins de personnes qui viennent vous voir pour vous acheter des lunettes neuves. Par contre, c'est vrai, quand ils les achètent, elles valent aussi plus cher parce que on a appris à redonner de la valeur aux choses. Vous avez du coup aussi développé une grande partie de lunettes de seconde main. Vous avez un espace de réparation. Tu peux nous raconter un peu tout ça? Écoute, on a un magasin qui continue à évoluer et la partie atelier, c'est une partie qu'on se réapproprie aussi. C'est assez drôle parce que le fait de refaire les verres en magasin, parce que c'est des choses qui sont perdues aussi ces dernières années, le fait de retailler les verres en magasin aussi, c'est important. Le fait de maîtriser la monture de A à Z et de savoir la réparer, c'est aussi une partie qui nous tient à cœur. Et finalement, les gens sont là pour tout ce service. C'est quand que vous avez investi, raconte-moi, j'ai oublié la date, là, dans une imprimante 3D qui vous permet de refaire des morceaux de lunettes? Écoute, il y a déjà des imprimantes 3D, mais c'est pas nous qui les maîtrisons, mais ça existe déjà et c'est génial. Il y a des sociétés qui font ça extrêmement bien. Écoute, on n'a qu'à se dire qu'on a investi en 2026. Voilà, 2026, et comme ça, du coup, maintenant, en 2026, les clients, là, ils vous envoient le morceau de la lunette, puisqu'en fait, aujourd'hui, les plans des lunettes sont tous partagés en open source. Ça fait partie du grand programme de réparabilité à vie, et ça leur permet de dire, bah tiens, telle partie de ma lunette est cassée, ils te lancent l'impression, et toi, derrière, tu les attends avec leur morceau de lunette, qui peuvent soit décider, et ça fait partie du service d'éducation hein, à la réparation que vous proposez aussi, soit vous les accompagnez dans la réparation, soit vous la prenez en charge parce que c'est des choses que les gens ne peuvent pas faire, ne veulent pas faire, n'ont pas le temps de faire. Et donc, vous êtes presque plus axé maintenant sur le service que la vente d'objets en réalité. Ouais. Tu as raison de parler de l'aventure, mais il faut pas oublier aussi les verres. Et il y a une notion aussi de durabilité. On pourrait avoir des engagements sur des verres avec des défauts de traitement, des verres qui n'évoluent pas, parce qu'il y a aussi c'est la partie la plus importante, entre guillemets, c'est de bien voir. Et on est là pour ça aussi. Donc, c'est aussi l'engagement au niveau des verriers, d'avoir des produits qui soient le plus résistants possible pour que les gens puissent vraiment les garder le plus longtemps, à condition que la correction n'évolue pas outre mesure. Mais globalement, on a plus des renouvellements parce que les verres s'abîment et se rayent que des changements de correction. Mmh. Si vous, vous restez quand même identifié comme des opticiennes particulièrement réputées sur tout le plateau de la Croix-Rousse, c'est pour votre foire mensuelle de troc de lunettes. Les gens arrivent, peuvent échanger leurs lunettes, se les vendre, et puis du coup, ça permet de redonner un peu une seconde vie à ces lunettes quand même, ces millions de lunettes qui sont restées parfois pendant des années et des années dans nos tiroirs. C'était Decathlon qui faisait ça avec les vélos une fois par an. Vous, vous faites ça avec les lunettes une fois par mois, et donc on a cette vie chaque mois dans le magasin là qui est dans l'énergie du troc, dans l'énergie de la débrouille, dans l'énergie de l'échange. Ouais. Bah c'est quelque chose d'envisageable. C'est des choses qui, en 2023, se faisaient un petit peu aussi, parce que il existe des marques qui récupèrent les lunettes, qui les remettent en état. En 2023, on était plus sur l'aspect solaire par rapport aux notions de garantie. En 2030, on peut tout à fait être à même de réparer n'importe quelle lunette, donc on peut l'envisager tout à fait de cette façon. Parle-moi un peu plus des labels auxquels vous appartenez et de comment vous êtes fier quand même de porter cette étiquette, notamment Optique for Good, mais peut-être qu'il y a d'autres labels que tu veux mettre en avant qui font que vous continuez quand même un peu à vous démarquer du reste des opticiens et des opticiennes. Ben, le premier label qu'on avait eu, c'était effectivement Lyon Ville Durable Équitable. Ça permettait de répertorier les magasins avec un engagement dans la ville. Le nom du label a changé, je crois, pour me faire taper sur les doigts par la ville de Lyon, mais c'est un très beau label, au demeurant. Mais en fait, ça permettait aussi de cette énergie de rencontrer des gens qui ont fait un pari fou, de se dire « Ok, mon métier, c'est ça, mais il faut que je le réenchante et que je fasse autrement. » Et c'est hyper rassurant de rencontrer des gens qui vont dans ce sens. Parce que malgré tout, monter une entreprise, c'est pas que du bonheur tous les jours, c'est aussi compliqué. Et puis le label Optique for Good. Alors Optique for Good, c'est un peu différent. Carole, elle est vraiment dans la genèse de notre magasin, parce qu'on l'avait beaucoup contacté via les réseaux sociaux pour le choix des montures au tout début. On a beaucoup travaillé avec Camille, en fait, en amont, avant de vraiment ouvrir le magasin, à réfléchir comment on le ferait. Et en fait, Carole, on l'a beaucoup fait travailler et on l'a beaucoup cuisiné. Et en fait, quand elle a monté le label, c'était une évidence qu'il fallait entre guillemets la récompenser aussi, parce que le travail de fond qu'elle fait est hyper important. Carole, elle fait des audits au niveau des sociétés qui sont pas accessibles pour nous. Elle va vraiment aller les tatillonner pour savoir si leurs valeurs correspondent vraiment à ce qu'elle veut. Et ça permet pour nous, quand on prend une marque qui est déjà labellisée, d'avoir cette assurance de dire OK, c'est très clean. Et je suis fier de pouvoir la proposer. Ouais, elle les tatillonne. Tiens, je viens d'apprendre un nouveau mot grâce à toi. Elle les tatillonne, et on voit bien l'image qui va derrière. Vous avez eu, vous, ces dernières années, des engagements forts où vous avez décidé d'arrêter de mettre certaines marques en avant parce que leur pratique n'était quand même pas à la hauteur de vos exigences. Comment vous échangez avec les marques? Comment vous avez réussi à mettre en place plus de rapports de force pour les obliger à monter au créneau sur ces enjeux? Ouais, il y a des marques qu'on a abandonnées parce qu'on sentait pas que c'était pas assez clean, pas assez propre pour nous. En fait, finalement, on se rend compte qu'on travaille beaucoup avec des petits. Je te disais tout à l'heure, en fond, que effectivement, dans l'industrie de l'optique, et c'est une industrie, et il y a des grosses machines. Et quand on a monté le magasin, d'ores et déjà, on avait décidé de pas travailler avec ces grandes marques, qui sont les grandes marques les plus vendues au monde. Donc c'était aussi une manière de se distinguer, et c'est une manière d'avoir de la place en magasin pour plein de petits. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, tous les petits fournisseurs qu'on peut avoir, on a l'impression souvent que c'est t'as le nom d'une société, qu'il y a plein de gens derrière, et en fait tu te rends compte que il y a un couple, il y a deux, trois personnes, et c'est juste qu'ils sont hyper motivés, et même les engagements financiers pour créer une collection, on avait tendance à aller rêver, à imaginer des choses pas possibles, et en fait non, les gars ils nous disent « Ok, j'ai créé cette collection, c'est la nouvelle collection qui arrive, j'ai mis 30 000 euros, j'ai eu mon emprunt à la banque, je suis hyper content. » En fait, on maîtrise plus que c'est de A à Z, même de créer une lunette pour qu'elle arrive en magasin et qu'après, le porteur puisse partir avec. C'est ce que ça nous a appris, en fait. C'est que du coup, on, on est vraiment avec des plus petits ou sur lesquels on a aussi des échanges en leur disant, ah bah techniquement, celle-ci, elle avait ci, elle avait ça. Ça change complètement en fait notre métier. Ouais, et puis ça permet aussi de sortir un peu de la notion de la mode permanente avec une nouvelle collection qui vient en remplacer une autre. Et là, du coup, vous travaillez plutôt sur des générations de lunettes puisque vous faites des retours pour améliorer certains modèles qui vont prendre en qualité plutôt que en tendance en fait. On a aucun rapport à la mode en soi parce que il y a pas de. Tu sais, quand tu prends des lunettes de grande griffe, il y a vraiment cette notion, effectivement, où c'est ancré dans une année mode, et effectivement, ça va changer. On travaille que avec des créateurs ou avec des petits, et il n'y a pas cette notion-là. Et puis, finalement, de toi à moi, la clientèle, elle est hyper variée, et on veut tous quelque chose de très différent. Donc, c'est ce qui est formidable quand on a quelqu'un qui arrive, c'est qu'on ne sait jamais quelle lunette il va falloir. Donc, c'est toujours une belle aventure de choisir l'équipement avec la personne. En 2030 Glorieuse, on voit quand même une reterritorialisation de la lunette et on peut dire que on découvrira des lunettes différentes en fonction de l'endroit où on sera en France, parce que si effectivement on est sur un bord de mer, on pourra avoir des lunettes qui seront là particulièrement faites, comme tu le disais tout à l'heure, en plastique recyclé des filets de pêche. Si on est à la montagne, alors là ça sera des lunettes qui seront faites avec d'anciens skis ou du bois. Et donc on a un peu cette fierté aujourd'hui aussi d'arborer des choses qui sont vraiment constitutives de notre identité géographique en fait. Ouais, c'est vrai. Et en 2023, aujourd'hui, on a des gens qui viennent. Pardon, en 2023, tu veux dire à l'époque, il y a 10 ans en arrière. On a des gens qui venaient déjà et c'était assez drôle parce qu'en fait, ils venaient avec une marque qu'ils avaient découverte, qu'ils avaient vraiment aimée. Et finalement, ils ne repartent pas forcément avec cette marque, mais ils viennent avec une histoire. Quelque chose qui leur a vraiment plu et qui se sont appropriés. Et c'est ce qui est bien dans le choix des montures qu'on fait aujourd'hui, c'est que chaque fournisseur a une petite histoire un peu différente, un matériau, une explication, et du coup, les gens se l'emparent, les gens quand ils reviennent nous voir en disant « Ah ben oui, mes petites lunettes de ci, de ça, j'imagine qu'aux apéros et tout ça, ils en parlent », c'est ce qui est génial, c'est que du coup, grosso modo, effectivement, on fait notre métier et un peu plus à côté, on s'amuse avec ça. Ouais, d'ailleurs, je suis même plus sûr que vous parliez encore en 2030 Glorieuse de clients, parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment une communauté qui fait des retours sur les produits, une communauté aussi qui, de temps en temps, je le sais, vous mettez en place des systèmes de crowdfunding à l'intérieur des boutiques pour soutenir le lancement de certaines lunettes, pour éviter de continuer encore à créer des besoins et de voir un peu où sont justement les besoins de vos partenaires en fait, de cette clientèle qui est devenue une communauté qui vous soutient peut-être, et là je divague presque, mais peut-être que vous avez eu aussi envie de les laisser rentrer dans le capital du magasin pour que le magasin devienne une coopérative. Non, jusqu'à quel point vous avez envie de faire évoluer le modèle pour qu'il vous dépasse largement? Non, sur la notion coopérative, malgré tout, on a aussi une clientèle qui vient et il faut aussi qu'on garde notre côté pro. Sur l'objet en lui-même, effectivement, on a un enjeu. Sur les verres, il faut quand même qu'on reste pragmatique. Après, ça n'empêche pas effectivement que le capital. On n'est pas très axé sur l'argent, c'est un autre problème avec Camille, c'est-à-dire. Non, c'est voilà, on n'est pas très fort là-dessus. Effectivement, et on n'a vraiment pas fait ça pour gagner de l'argent, sinon il aurait fallu faire autrement. Mais en fait, aujourd'hui, on a une profession qui a double niveau. On a le côté effectivement choix de monture et on a le côté examen de vue, on a le côté effectivement avec des engagements au niveau de la sécurité sociale ou autre. Ce qui est intéressant en 2030, c'est aussi que l'État a pris conscience, parce qu'on a une réforme, par exemple, qui a été mise en place en 2020, qui s'appelle le 100% santé, qui a un gros atout, c'est que n'importe quel porteur peut venir en magasin avec une ordonnance et aura l'assurance de partir avec un équipement qui correspondra à son besoin visuel. En 2023, c'est pas terrible parce que en 2020, pardon, c'est pas terrible parce que le 100% santé avait prévu des montures de base à 30 euros et tout vient d'Asie. On peut imaginer en 2030, on est en 2030 d'ailleurs, que l'État a revu un peu la donne et il va plutôt subventionner aussi une entreprise française qui va fabriquer. Elle coûte un peu plus cher, mais au moins on a l'assurance d'avoir un produit qui est fabriqué sur le territoire. Donc cette assurance aussi de donner un équipement, parce qu'on est là aussi pour quand même faire en sorte que les gens soient confortables, soient puissent bien voir. Le pari est réussi par rapport aux engagements de l'État, à savoir que les gens peuvent bien voir et avoir quand même quelque chose de plus vertueux au niveau de la monture. Toi, Aliénor, en 2030 Glorieuse, tu fais quoi? Tu es toujours à fond derrière Green Lunette? Tu as d'autres idées de projets? Est-ce que tu as envie de re-questionner aussi la place du travail dans ta vie? Non, j'ai vraiment, avant de monter le magasin, je me suis vraiment interrogée, et Camille, c'est pareil, sur ce métier, parce que finalement, tu es un peu désenchanté et tu te rends compte que ton travail est répétitif et que ça apporte rien. Aujourd'hui, on se l'est suffisamment réapproprié et c'est génial. Et puis, malgré tout, monter une entreprise, c'est une aventure tous les jours. Tu as un peu l'impression de jouer au Monopoly. C'est tous les jours, on fait des défis sur la communication, sur plein de choses. Et le magasin d'il y a 5 ans et le magasin d'aujourd'hui, ils changent complètement. Donc, en 2030, le magasin sera complètement différent. Et j'espère bien être encore là et qu'on ait coché encore plein de nouvelles cases. On a plein de to-do list, faut se méfier. Ouais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a appris à sortir un petit peu, et je le dis pour moi, de nos to-do list en 2030 Glorieuse, parce que j'avoue que ça fait partie de ces aliénations qui encore en 2023 me posent des questions. D'ailleurs, si jamais on revient, ça y est, en 2023, et que les personnes qui nous ont écoutés, elles se sont dit, bah oui, moi j'ai envie d'avoir plus de liens avec les boutiques de mon territoire, d'être plus partie prenante, de faire les choses plus en conscience, de redonner de la valeur à des choses qui le méritent vraiment. Qu'est-ce que tu conseillerais là aux personnes qui nous ont écoutés comme pas supplémentaire? Quelle action, quelle pensée, quelle philosophie elles devraient adopter sans attendre pour qu'on aille plus vite vers les 2030 glorieuses? Il y a vraiment cette notion où quand on se sent pas à l'aise, enfin quand on se sent un peu dissonant sur ses envies personnelles et son travail, d'aller au travail avec la boule au ventre, ça n'a pas de sens, et c'est difficile à remettre en question parce qu'il y a les enjeux et la famille, il y a l'argent tous les mois et tout ça. Et en fait, ça a vraiment ce qui nous a apporté du bonheur et qui fait qu'aujourd'hui c'est un plaisir de venir travailler. Et on parlait des enfants indirectement. Je trouve que par rapport à ce qu'on représente à nos enfants, parce que malgré tout c'est eux qui vont faire aussi la vie d'après, c'est important qu'on soit raccord avec ça et on veut leur montrer que oui, nous aussi on se bouge et que on a fait en sorte de remettre les choses en question. On a vraiment une matrice qui est en train de changer aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui changent. C'est génial et c'est vertigineux. Et il faut saisir effectivement l'opportunité de prendre du recul sur le métier qu'on fait. Je pense que ça peut être n'importe quel métier. Hein. Ça peut être son comptable, son boulanger, n'importe quoi, où on peut se dire, OK, je ne suis pas très heureux dans ce que je fais. Comment je fais pour que ce soit mieux? Comment je fais pour l'améliorer? Merci, Aliénor. Avec grand plaisir, Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !